الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون أيها الناس يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وإن للمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله ما لا يعلم إلا الله منها حرمان العلم فإن العلم نور يقذفه الله في القلب والمعاصي تطفئ ذلك النور قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا فكما أن بتقوى الله تبارك وتعالى يفتح الله تبارك وتعالى العلم على عباده فبالذنوب والمعاصي يصبحون ويمسون في الجهل عياذا بالله ومنها حرمان الرزق وفي المسند للإمام أحمد رحمه الله إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه وكما أن تقوى الله تبارك وتعالى مجلبة للرزق فإن ترك التقوى مجلبة للفقر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومنها الوحشة التي ومنها وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله تعالى لا توازنها لذة أصلا ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تفي بتلك الوحشة ولقد أحسن من قال إذا كنت قد أوشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنسي ومنها الوحشة التي تحصل بينه وبين الناس ولا سيما أهل الخير منهم فيبتعد عن مجالستهم وعن سماع نصائحهم فيقرب من أهل السوء عياذا بالله ومن حزب الشيطان حتى إن هذه الوحشة تقع بينه وبين أهله بينه وبين أولاده بل يستوحش من نفسه ومنها تعسير الأمور بخلاف من يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومنها ظلمة يجدها في قلبه فكما أن الطاعة نور فإن المعصية ظلمة وكلما زاد ذنبا قويت هذه الظلمة حتى تعلو وجهه عياذا بالله يقول ابن عباس رضي الله عنهما إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في القلب، وإن للسيئة سوادا في الوجه، وظلمة في القلب، ووهنا في البدن، ونقصا في الرزق، وبغضة في قلوب الخلق، ومنها حرمان الطاعة، فبالذنب الواحد ينقطع العبد عن طاعات كثيرة، كل واحدة منها خير من الدنيا وما عليها، ومنها أن العاصي تقصر عمره وتمحق بركته، فإن حقيقة الحياة هي حياة القلب، ومن لا إيمان له ولا طاعة له فهو ميت في الدنيا قبل الآخرة. ومنها أن العاصي ومنها أن المعاصي تستدعي المعاصي وتزرع أمثالها حتى يعز على العبد مفارقتها. يقول الله: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، وكثير من الفساق ليواقع المعصية من غير لذة يجدها إلا لما يجد من الألم بمفارقتها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يتوب علينا ويغفر لنا ذنوبنا، إنه هو التواب الغفار. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الناصح الأمين. ورضي الله عن الصحابة أجمعين الطيبين الطاهرين. وبعد، الله سبحانه وتعالى nous montre dans le Coran, et il cite en parabole une contrée, une cité qui vivait dans la tranquillité, apaisée sereinement, et leur subsistance leur venait chaque jour de toutes parts. Puis ils se sont montrés ingrats envers ses bienfaits. Ils ont désobéi Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Allah tabaraka wa ta'ala les a rétribués en fonction de leurs actions. C'est-à-dire qu'on a enlevé ses bienfaits. Ils ont goûté à la faim, à la peur, à la crainte, et cela en rétribution devant ce qu'ils œuvraient. Les péchés, comme le dit le grand savant Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dans son livre Adda ou Ad-Dawa, la maladie et les remèdes, ont des effets qui sont très mauvais, qui sont très nocifs et destructeurs sur le cœur, le corps de la personne, que ce soit dans ce bas monde ou de l'au-delà, ou dans l'au-delà. Et ces effets sont destructeurs à un point que seul Allah connaît. Parmi ces effets, la privatisation de la science. Celui qui reste dans les péchés, Allah ôte sa science et enlève la bénédiction de ses connaissances passées. Car certes la science est une lumière qu'Allah met dans le cœur de ses serviteurs, et les péchés éteignent cette lumière qu'il y a dans le cœur des serviteurs. Et tout comme la piété est une cause pour obtenir la science, le fait de délaisser la piété est une cause pour tomber dans l'ignorance. Car Allah nous dit dans son livre, selon la traduction des sens de ce verset: ô vous qui avez cru, si vous craignez Allah, il vous accordera le discernement. Deuxièmement, la privatisation de la subsistance et des richesses. Le fait de commettre des péchés, ça amène la pauvreté, ça fait disparaître les bienfaits, ça fait disparaître la richesse. Et dans le recueil de l'imam Ahmed, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: certes, le serviteur se voit privé de subsistance suite à un péché qu'il commet, suite à un péché qu'il commet. Et tout comme la crainte d'Allah apporte la subsistance, celui qui délaisse la piété se trouvera dans la pauvreté. Aussi, parmi les effets des péchés, il y a la solitude que le serviteur ressent dans son cœur, même s'il est entouré d'un grand nombre de personnes. Une solitude et un clivage qu'il trouve entre lui et son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, ça lui procure un mal tel que si on lui réunissait tous les bienfaits et tous les délices et les plaisirs de ce bas monde, ça ne serait pas suffisant à combler ce mal et ce vide qu'il trouve à l'intérieur de son cœur. Et quatrièmement, la solitude et la disparité qu'il y aura entre lui et les serviteurs d'Allah, particulièrement les personnes pieuses et les gens de science. En faisant des péchés, il s'éloignera de leurs assises, il s'éloignera de leurs paroles et de leurs conseils, et plus il s'éloignera d'eux, plus il se rapprochera du parti du diable, et plus les personnes dépravées et égarées pourront s'accaparer sa personne et l'utiliser dans le mal et le péché, la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il se sentira tellement mal qu'il ressentira cette solitude, même au sein de son foyer, de ses proches, sa famille et ses enfants, au point qu'il ne supportera même plus sa propre personne. Iyadun billah. Parmi les effets des péchés, il y a la difficulté dans tout ce qu'on entreprend, la difficulté dans toutes les affaires. Contrairement à celui qui craint Allah, Allah lui facilite toutes ses affaires, comme il nous le cite dans Surah Al-Talaq. Aussi, parmi les effets des péchés, il y a les ténèbres dans lesquelles sont plongés son cœur. Des ténèbres tellement profondes que la personne voit cette noirceur grandir sur son corps, habiter son cœur, puis grandir sur son corps jusqu'à couvrir entièrement son visage, à un point tel que les gens à l'extérieur remarquent la noirceur de son visage due à ses nombreux péchés. Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, nous dit, certes, les bonnes actions font resplendir le visage, sont une lumière dans le cœur, ça élargit la subsistance de la personne, ça lui donne une force dans son corps, et les gens l'aiment, ça lui procure l'amour des serviteurs. Quant aux péchés, ils sont certes une noirceur dans le cœur, des ténèbres sur le visage, un affaiblissement du corps et une diminution de la subsistance, et une inimitié, une haine dans le cœur des serviteurs. Parmi les effets destructeurs des péchés, il y a également le fait de se voir privé de l'obéissance et de l'adoration d'Allah. C'est-à-dire que lorsque le serviteur commet un péché, il n'arrive plus à faire de bonnes actions et il trouve de la paresse et de la difficulté à se lever pour faire de bonnes actions. Ainsi, en commettant un péché, il se voit privé d'une multitude de bonnes actions. Une seule d'entre elles est meilleure que ce bas monde et tout ce qu'il renferme. Parmi les effets des péchés, il y a également la diminution de l'âge et de la vie. Ça lui enlève la bénédiction dans sa vie. Car en réalité, la vraie vie, c'est la vie du cœur, celle passée dans l'obéissance d'Allah, son évocation et son rappel. Ainsi, le temps passé dans les péchés est à l'image de la personne qui était morte, wal'iyadu billah. Et tout ce temps qu'il perdra, il viendra et dira au final, ya laytani qaddamtu li hayati. Il va regretter de ne pas avoir avancé pour sa vie future de bonnes actions. Et la vraie vie est la vie passée dans l'obéissance d'Allah, dirigée vers lui, en n'ayant que lui comme adoré, subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, man ahabba an yunsa'a lahu fi atharih wa yusata lahu fi rizqih falyasil rahimah. Celui qui aimerait voir sa vie allongée et sa subsistance élargie, qu'il lie les liens de parenté. Tout comme avec les bonnes actions, Allah bénit la vie de la personne et l'allonge. Avec les mauvaises actions, on lui enlève la baraka, la bénédiction, et on lui raccourcit. Parmi les pires effets des péchés, il y a le fait que le péché appelle au péché, à un point tel que la personne se retrouve dépendante de son péché, enchaînée par son péché, esclave de ses passions. Il n'arrive plus à en sortir. Et lorsqu'il s'en éloigne, il ressent un manque et il se voit torturé par le péché. Il a souffert pour l'atteindre, il était torturé pour l'atteindre. Puis il l'a atteint et il se voit torturé car il a peur de s'en séparer. Et lorsqu'il le perd, à nouveau il est torturé car il désire, il ne peut plus se passer de ce péché, wal'iyadu billah. À un point tel que les pervers commettent des péchés sans ressentir de plaisir, mais car ils sont en manque de ce péché, à l'image de ceux qui consomment de la drogue qui boivent de l'alcool, wal'iyadu billah, aussi parmi les effets des péchés, la faiblesse du cœur. La faiblesse du cœur, il ne trouve plus de force pour se diriger vers Allah, pour se repentir. Dans un premier temps, il regrette le péché. Il souhaite délaisser ce péché, mais plus il commet des péchés, plus le temps passe, plus il s'éloigne de la honte et de l'avilissement des péchés, à un point tel que son cœur réclame le péché, et il ne trouve plus de force pour se lever et se diriger vers le repentir d'Allah. Et tu le trouveras que dire astaghfirullah avec sa langue, mais rester dans les péchés, wal'iyadu billah. Parmi les effets des péchés, il y a le fait que la honte sorte du cœur. La personne commet des péchés et elle n'a plus honte. Elle n'a plus honte du regard d'Allah. Elle n'a plus honte des écritures des anges. Elle n'a plus honte du fait qu'elle devra comparaître devant Allah. Elle n'a plus honte du regard des gens. À un point tel que l'un d'entre eux commet des péchés la nuit, Allah l'a couvert, il arrive au matin et il dévoile ses propres péchés. Et à notre époque, il n'y a plus besoin d'attendre le matin. Certaines personnes se filment et se prennent en photo et elles mettent ça sur Internet, elles mettent ça sur Facebook et autres photos de profil. Elles font des péchés et se dévoilent elles-mêmes, wal'iyadu billah, car elles ont eu cette punition due au péché. Le fait de ne plus avoir honte de commettre le péché et de ne plus ressentir qu'Allah nous surveille, que les anges inscrivent tout ce qui est fait et que le livre sera présenté yawm al-qiyamah, et au final que les gens voient ce péché, il n'a plus honte. Il n'a plus honte. Et le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, toute ma communauté pourra aspirer au pardon, sauf ceux qui font les péchés en public. Sauf ceux qui font les péchés en public. Et fait partie du fait de faire les péchés en public, le péché commis en privé. Puis la personne arrive au matin et elle dit aux gens, oh un tel, j'ai fait telle chose et telle chose. Oh un tel, j'ai fait telle chose et telle chose. Il se dévoile lui-même alors qu'il avait passé la nuit couvert par son Seigneur, rapporté par l'imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Donc le péché devient minime dans ses yeux. Et plus il devient minime dans ses yeux, plus il devient grave chez Allah subhanahu wa ta'ala. Car il ne faut pas regarder la taille du péché, il faut penser à la grandeur de celui auquel tu désobéis. Et Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu disait, certes le croyant voit ses péchés comme une montagne qui se trouve à sa tête, comme une montagne qui se trouve à sa tête ou devant laquelle il se trouve au pied, il a peur qu'elle s'écroule sur lui. Le croyant voit ses péchés comme une montagne et il redoute qu'elle s'écroule sur lui. Quant au pervers, il voit ses péchés comme une mouche qui est venue sur son nez et lui a fait ainsi, elle s'est envolée. Il lui a fait ainsi, elle s'est alors envolée, rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Parmi les effets des péchés, l'humiliation. L'humiliation, la personne se voit avilie, et celui qu'Allah avilie, tu ne trouveras personne pour l'honorer. وَمَنْ يُهِنِ اللَّهِ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمِ, comme Allah nous dit dans son livre. Et la suprématie, la noblesse et l'élévation ne se trouvent que dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. مَنْ كَانَ يُرِدُ الْعِزَّةِ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا. Et Omar ibn Khattab radiallahu anhu disait, نَحْنُ قَوْمٌ أَعَزَّنَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ. Nous sommes un peuple qu'Allah a anobli de par l'islam. Celui donc qui recherche la noblesse dans autre chose se retrouvera avili. Al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala disait, إِنَّ ذُلَّ الْمَعْصِيَةِ لَا يُفَارِقُ قُلُوبَهُمْ. Certes, l'humiliation du péché ne se sépare pas de leur cœur, c'est-à-dire du cœur des pervers. Aballah, illa ayyudhilla man asa, illa ayyudhilla man asa. Celui qui désobéit Allah, Allah a décidé qu'il vivra humilié. Et Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah ta'ala, disait, j'ai vu que les péchés causaient la mort des cœurs, et que ça pouvait entraîner l'humiliation si on ne s'en séparait pas. Et le délaissement des péchés dans cela lié à la vie des cœurs, et c'est meilleur pour toi de t'en séparer. Ra'aytu adh-dhunuba tumitu al-qulub. J'ai vu que les péchés faisaient mourir les cœurs. Wa qad yurithu adh-dhulla idmanuha wa tarku adh-dhunubi hayatu al-qulub wa khayrun li nafsika 'ishyanuha. Allah dit dans le Coran, wal ladhina kasabu as-sayyi'ati jazaa'u sayyi'atin mithliha وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةِ Allah Azza wa Jal nous parle des pécheurs et nous informe que les touchera une humiliation, ils seront touchés d'une humiliation. Parmi les effets des péchés, le fait que ça affecte la raison saine de la personne. Sa raison est touchée, sa raison est pervertie, car la raison est éclairée par la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais les péchés éteignent la droiture de cette raison. Et certains parmi les anciens disaient, Ma'asallaha ahadun hatta riba aqlu. Personne a rouyiba aqlu. Personne ne désobéit Allah, si ce n'est après avoir perdu la raison. Car s'il avait toute sa raison, il se serait rendu compte avant de désobéir qu'Allah subhanahu wa ta'ala est son maître. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le surveille et qu'il vit dans son royaume. Et qu'il sera amené à comparaître devant lui pour être jugé et que ses comptes seront faits. Les anges sont témoins de cela. Il y en a un à sa droite, un à sa gauche qui note. Il y a l'exhortation dans le Coran. Il y a l'exhortation lorsqu'il se rappelle la mort. Il y a une exhortation lorsqu'il se rappelle l'enfer. Et il y a une exhortation qu'Allah a mis dans le cœur de chaque croyant. Malgré tout cela, il s'approche dans le péché. C'est qu'il a perdu la raison. Parmi les effets des péchés, le fait que celui qui ne cesse pas voit son cœur scellé, il tombe ainsi du nombre, il fait alors partie du nombre des insouciants. Kallaban rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Al-Hasan al-Basri disait, wa dhanbu ba'da dhanb, c'est le péché qui est commis suite à un autre péché, ainsi son cœur devient aveugle. Parmi les effets des péchés, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala oublie son serviteur, c'est-à-dire qu'il le délaisse, il l'abandonne. Et an-nisyan est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, et an-nisyan a deux sens. Le fait d'oublier par manque de science, par imperfection dans sa science, Allah en est exempté. Allah n'oublie rien subhanahu wa ta'ala. Mais il y a un deuxième sens dans la langue arabe pour an-nisyan, c'est at-tark, c'est le délaissement. C'est le délaissement, et ceci a été affirmé dans le Coran par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah azza wa jal abandonne ce qui reste dans les péchés, délaisse et oublie ce qui reste dans les péchés, et il les abandonne à leur shayatin et à leur propre personne. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أي أنساهم مصالحهم وما ينجيهم من عذابه وما توجب لهم الجنة وكمال لذتها. Allah Azza wa Jal nous montre dans le Coran qu'il ne faut pas faire partie du nombre de ceux qui ont oublié Allah. Allah les a alors oubliés, c'est-à-dire qu'il leur a fait oublier ce qui était bien pour eux afin d'affranchir leur personne du feu et d'entrer au paradis où il y aura les plaisirs éternels. Ainsi, celui qui ne fait pas ce qu'Allah lui a commandé, Allah Azza wa Jal le délaisse et l'abandonne. Et le poète a dit, min kulli shay'in idha dhayya'tahu 'iwadhu wa ma min Allah idha dhayya'tahu 'iwadhu. De chaque chose, si tu le perds, tu pourras le remplacer. Chaque chose que tu perds, tu pourras la remplacer. Sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu t'éloignes d'Allah, tu perdras Allah et nul ne saurait venir le remplacer, tabaraka wa ta'ala. Et parmi les effets des péchés, le fait que ça t'empêche de te diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala, tu te retrouves handicapé au point où tu n'arrives plus à faire un seul pas vers celui qui t'a créé, tabaraka wa ta'ala, alourdi par les péchés. Et le prophète alayhi salatu wa salam cherchait protection auprès d'Allah, cherchait refuge auprès de lui en disant, wa'adhu bika minal 'ajzi wal kasal. Oh Allah, je cherche refuge auprès de toi afin de ne pas tomber dans la paresse ni l'incapacité. On demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de la constance dans les péchés et de nous accorder un repentir sincère. Il y a un cher père à nous qui est décédé il y a quelques jours. Monsieur Wafi rahimahullah ta'ala et c'était une personne pieuse qui ne manquait pas la prière en groupe. Il est de Bobigny et la salat janaza sera après le Jumu'ah à la grande mosquée de Bobigny. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ويرحمه وأرفع درجاته في الجنة. Aussi, il y a la fille de notre frère Walid qui est malade. Demande Allah Azza wa Jal de lui accorder la guérison ainsi qu'aux croyants et aux croyantes. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. Aussi, il y a le projet de la construction de la mosquée et il reste peu de temps avant le début des grosses œuvres. Donc on demande aux fidèles de donner de ce qu'Allah Azza wa Jalla leur a facilité. Mashkouran wa jazakumullahu khayran wa sallallahumma wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.